Le Burundi est un pays enclavé situé à 1900 km de l'océan Atlantique et à 1100 km de l'océan Indien à vol d'oiseau. Il échange des marchandises avec l'extérieur selon également des zones d'intégration économique. Ainsi, c'est principalement par voie routière que les échanges se font à travers le corridor nord qui relie le port de Mombasa au Kenya, au pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale sans littoral, le corridor sud et le corridor central chemin de fer à partir du port de Dar es Salaam en Tanzanie, passant par le port de Kigoma jusqu'au port de Bujumbura, aujourd'hui en réhabilitation via le lac Tanganyika. Ce corridor central est fonctionnel depuis décembre 2017, après 10 ans de panne du chemin de fer Dar es Salaam-Kigoma. Membre de ce marché commun de l'Afrique orientale et australe, le Burundi est également membre de différentes plateformes régionales, à savoir la CEPGL, la CEAC, le COMESA et la communauté est-africaine. L'appartenance à ces zones d'échange permet l'élimination des barrières douanières, facilitant ainsi les transactions par la réduction du coût et du temps. Le marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA, avec 21 pays de 500 millions d'âmes, constitue un atout dans le développement du pays à travers le commerce. Ceci est matérialisé par des statistiques, citons à titre illustratif ce bulletin des statistiques provisoires du commerce extérieur des marchandises du Burundi au second trimestre de 2019, produit par l'Office burundais des recettes OBR, un office lui-même né de l'union douanière au sein des pays membres de la communauté est-africaine. Selon ces statistiques, les exportations vers les pays membres du COMESA avoisinent 20% de la valeur globale des exportations au second trimestre, 46% étant détenues par la République démocratique du Congo. Les exportations ont été de plus de 17 milliards de francs burundais contre des importations de plus de 54 milliards de francs burundais à partir du Kenya. Avec une balance commerciale toujours déficitaire, le Burundi exporte toutefois divers produits. Pour le second trimestre, l'or non monétaire, le café et le thé ont constitué le gros des exportations alors que les importations ont été constituées de produits pétroliers et de produits pharmaceutiques. Pour améliorer les échanges commerciaux avec différentes plateformes régionales, le Burundi exploite le corridor central via le lac Tanganyika jusqu'au port de Bujumbura, aujourd'hui en extension. Ce port ayant une capacité d'accueil de 500 000 tonnes de marchandises par an, mais qui n'a jamais atteint 350 000 tonnes par an. Aujourd'hui, de nombreux opérateurs utilisent encore la voie routière avec risque d'endommager les infrastructures routières s'il y a plus de tonnage. Malgré cela, d'autres opérateurs ont opté pour le commerce en empruntant la voie lacustre à partir du port de Dar es Salaam, passant par Kigoma jusqu'à ce port de Bujumbura. Parmi ces hommes d'affaires figure David Nyandwi, directeur général de la société Vision Transport Company, pour qui le corridor central est une voie sûre. Pour un conteneur de 27 tonnes par voie lacustre, il dit payer 2900 dollars américains alors que le même tonnage par route et par camion, l'on paye 4200 dollars. Cha kwanza tunaangalia kwenye barabara kama hiki kiwanda kilikuwa kinatumia container moja. Premièrement, nous voyons que par la voie routière et par conteneur, l'on paie 4200 dollars depuis Dar es Salaam. Mais aujourd'hui, en calculant toutes les dépenses, même celles de Dar es Salaam jusqu'ici au port de Bujumbura, je dépense 2900 dollars. Cela montre qu'on gagne 1300 dollars par conteneur en provenance de Dar es Salaam quand on emprunte ce corridor central. Un autre avantage est que quand on veut savoir où se trouvent les marchandises commandées, on appelle par téléphone une seule personne. Mais quand on les charge dans 34 camions, ils ne prendront pas départ à la même heure. Les uns peuvent tomber en panne, tu seras obligé de téléphoner les chauffeurs l'un après l'autre. Cela met les commerçants dans un état de pression et les autres meurent suite à des mauvaises informations reçues. Nous sommes prêts et nous avons une bonne collaboration avec le gouvernement tanzanien à démontrer que tout le monde qui opère une commande, ses marchandises seront gardées jalousement jusqu'à sa réception. Autre chose, c'est moins cher que le transport en camion. Les frais consommés au cours de la route pourraient les investir dans d'autres projets ou faire d'autres commandes, encore une fois parce qu'ils ont encaissé de l'argent. Par exemple, si on gagne une somme de 42 000 $, c'est à peu près 150 000 francs burundais. Il opère une autre commande plutôt de traîner à chercher les consommateurs. Nous demandons aux commerçants qui auront bénéficié de cette opération de revoir en baisse les prix pour faire écouler leurs marchandises et faciliter la commande ultérieure. Dans son commerce, la Tanzanie a accordé 20 wagons en temps voulu pour le transport des marchandises, dit M. Nyandwi. Yahya Hamad est un homme d'affaires tanzanien opérant sur le sol congolais. Il est directeur général d'une sucrerie du Sud Kivu. Il a reçu son cargo via le corridor central. Il se dit très satisfait. I would like to say that I got news from the port authority of Bujumbura that there is this service of Central Corridor, and I chose it because I did some analysis. Je voudrais dire que j'ai eu des nouvelles de l'autorité portuaire de Bujumbura qu'il y a un service d'envoi sur le corridor, et je l'ai choisi parce que j'ai fait une analyse et découvert que l'utilisation de ce corridor sert à épargner un peu d'argent, donc par rapport à la route. Ce service de Vitraco m'a permis de conserver 40% des dépenses. J'ai donc choisi ce corridor parce que j'ai obtenu des informations de l'autorité et puis ils m'ont dit que Vitraco, qui est une compagnie de transport, est celui à qui on a attribué ce transport. Après l'avoir contacté, maintenant, je suis heureux que les conteneurs sont arrivés. Je voudrais conseiller les hommes d'affaires qui font le transport des marchandises du port de Dar es Salaam vers soit le Burundi, le Rwanda ou le Congo d'utiliser la même voie parce que c'est économique, sécurisé et sans stress. Le premier avantage, c'est le prix. Auparavant, je dépensais doublement le prix pour recevoir un conteneur. Le deuxième avantage, c'est la sécurité. Vous vous assurez que vos biens sont là. Je vais dire rapide parce que vous n'appelez qu'une seule personne et vous avez vos marchandises en moins de 7 jours. Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages. Hassles, because you don't have to call so many drivers. You only call one person to know where the load is. So I think there's a lot of benefits. Those are only a few I've mentioned. I'm sure there are a lot using this center corridor. Le commerce régional fait sur le lac Tanganyika devrait être privilégié par rapport à la voie routière, dit Bonaventure Sinzobakwira, directeur général du Global Port Services. Cette voie est opérationnelle, qu'ils peuvent utiliser tranquillement cette voie, et que l'avantage est certain. Nous avons calculé par exemple pour ces 34 conteneurs qui viennent de passer par ici maintenant, que l'importateur va faire une économie de plus ou moins 20 000 $. C'est quand même significatif sur le coût de transport. D'autres qui n'ont pas encore utilisé cette voie vont remarquer qu'on ne peut pas passer à côté de cet avantage si on est vraiment réellement un opérateur économique. Ou s'il n'y a pas de non-dit. Même son de cloche chez Gérard Nyandwi, directeur général de l'autorité maritime et portuaire. Les experts ont déjà démontré que le coût du transport de marchandises par conteneur de 20 pieds peut diminuer jusqu'à 1 000 $ par conteneur par rapport au coût utilisé pour transporter le même conteneur par camion et par route. Dar es Salaam et Bujumbura. La voie ferrée Dar es Salaam-Kigoma et lac Kigoma-Port de Bujumbura est également mise en avant par le président burundais. Dans une émission publique, Pierre Nkurunziza en appelle à l'utilisation de cette voie pour faciliter la population. Les hommes sont ce qu'ils sont et le gouvernement, c'est le gouvernement. Si le gouvernement trace une voie pour faciliter la population, c'est celle qui doit être suivie, non seulement pour les produits pétroliers, mais aussi pour d'autres produits. Les études des experts ont démontré, vu aussi la vie au quotidien, que les importations via les voies routières sont plus chères. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes en train de tout faire pour qu'avec le corridor central, vous l'avez suivi, nous puissions, avec le chemin de fer jusqu'à Kigoma, avoir nos marchandises sachant que le port de Bujumbura est en extension. L'on nous a informé que le prix devra sensiblement chuter avec ce corridor. C'est une valeur ajoutée. C'est le fruit de la paix. Avec l'augmentation de la circulation sur le lac Tanganyika, on développera le Burundi. Vous le voyez déjà, il y a des projets de chantier naval, l'extension des ports de Nyanza Lac et Kabuhunga pour que ce corridor moins cher soit utilisé. Chrysologue Moutoua, directeur général du commerce et point focal Komeza au Burundi, trouve donc que ce marché présente beaucoup d'atouts. Sa vision est de voir le Burundi diversifier ses exportations dans la libre-échange tripartite et à ses Komeza SADC.